hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Salut, vous êtes bien sur FPP 106.3, fréquence Paris plurielle, et c'est l'émission du CSPCL. J'ai un truc en décalé dans l'oreille, c'est un peu difficile, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je vais le reprendre sans casque. Donc, vous êtes sur l'émission du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Ce n'est pas Virginie qui présente ce soir, on lui fait des gros bisous. Elle ne pouvait pas venir. C'est Pascal, donc, et on est ensemble pour une heure et demie avec nos invités, nos enregistrements. Et donc, on va commencer par écouter la prise de parole de Fatou Dieng, donc, qui est du collectif Vivolé et du réseau d'entraide Vérité et Justice. Prise de parole qu'elle a faite à la commémoration en mémoire de toutes les victimes des frontières et des migrations. Voilà, Fatou, elle est la sœur de Lamine Dieng qui s'est fait assassiner par la police en 2007 et qui continue à lutter pour la vérité et la justice. Voilà, on écoute sa prise de parole. Je suis membre du réseau d'entraide Vérité et Justice et du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et une des sœurs de Lamine Dieng. Le réseau d'entraide Vérité et Justice est constitué comme tel en 2021, est né de plusieurs rencontres depuis 2007 entre différents comités et collectifs de victimes, de proches de victimes en France et au-delà. Il appelle à lutter ensemble contre les violences policières, carcérales, judiciaires et psychiatriques, et ce dans un contexte de lutte plus large, une lutte anti-répression, anti-autoritaire, anti-fasciste, anti-carcérale, anti-impérialiste. 2025 a été la première année où le réseau d'entraide Vérité et Justice a participé à la commémoration. Ça a été un moment important qui a vu une continuité au Transborder Summer Camp l'été dernier, ce qui aujourd'hui nous pousse à porter nos revendications ensemble pour la première fois au-delà des frontières dans plusieurs villes, pays et continents. Aujourd'hui, les collectifs de personnes exilées, collectifs de victimes de violences et crimes d'État et associations de solidarité, nous répondons à l'appel transnational lancé par le réseau Global Commemoration. Aujourd'hui, nous sommes ici, ensemble, pour exiger vérité, justice et réparation pour les victimes des politiques migratoires et sécuritaires mortifères. Si aujourd'hui nous dénonçons à vos côtés les violences des politiques migratoires, c'est parce que ces violences et les violences policières, pénitentiaires, carcérales, psychiatriques et judiciaires qui s'exercent à l'intérieur des frontières résultent d'un même système raciste, xénophobe et colonial. Pour la seule année 2024, le collectif des Armolais a dénombré 71 morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Jamais le bilan annuel n'a été aussi grave depuis 60 ans. Cette année, on est déjà à 5 morts au mois de janvier. D'après le journal Bastamag, entre 1977 et 2022, 861 personnes sont mortes suite à l'action des forces de l'ordre. Selon le même journal, parmi les victimes qui ont été tuées par armes à feu ou qui sont mortes à la suite d'un malaise ou d'une asphyxie liée aux techniques d'étouffement utilisées par les forces de l'ordre, un profil se détache. Les victimes de ces violences sont majoritairement des jeunes hommes non blancs, noirs, arabes, roms, asiatiques. Majoritairement, mais pas exclusivement, tant les violences d'État touchent toutes les personnes discriminées, des femmes, des hommes, âgés et des militants meurent aussi. Au sein du réseau d'entraide Vérité et Justice, de nombreuses Familles et victimes survivantes luttent contre les violences policières, pénitentiaires, institutionnelles et judiciaires, qui s'expriment aussi à travers des pratiques racistes telles que les contrôles aux faciès, l'exacerbation de la présence policière dans les quartiers dits politiques de la ville et une extrême décomplexité dans l'utilisation de la violence directe, spécialement envers les personnes racisées négativement et les jeunes hommes racisés négativement plus particulièrement, mais aussi des violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les hommes. Certaines familles, en plus du deuil, de la douleur, subissent aussi le régime des frontières, le racisme d'État et de l'histoire coloniale et le régime des violences policières et étatiques. Le réseau qui lutte contre l'impunité des forces de l'ordre et le déni de justice compte également parmi ses revendications la lutte contre le dénigrement et les violences faites aux personnes qui n'ont pas les bons papiers. La liberté de circulation et d'installation, la régularisation sans condition de toutes les personnes sans les bons papiers. La protection automatique dès leur arrivée des jeunes étrangers, étrangères isolés, la fermeture des centres de rétention, l'abolition des mesures administratives d'enfermement et d'expulsion, notamment au travers des EQTF et des IRTF, et également des droits pour toutes et tous dans tous les domaines. Ni oubli, ni pardon, liberté de circulation pour toutes et tous, hommage aux victimes des politiques migratoires, chaque vie vaut plus que leurs lois, leurs murs et leurs armes. Migrer pour vivre, pas pour mourir. Les frontières tuent, l'enfermement tue, les États tuent. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes des frontières, de l'enfermement, de la police, de la gendarmerie, des institutions psychiatriques. Soutien aux personnes exilées, aux migrants, migrantes, aux personnes avec ou sans les papiers coloniaux, aux survivants, survivantes, aux familles endeuillées, aux familles des disparus forcés et portés disparus. Soutien aux opprimés, aux mineurs isolés et étrangers, étrangères non accompagnés. Stop aux violences, stop aux frontières, migrer est un droit. Salut, c'est toujours le CSPCL sur FPP 106.3. Donc on a écouté Fatou Dieng du collectif Vivolé et du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc le jour de la commémoration en hommage à toutes les victimes des migrations contre les frontières. Merci Fatou pour ce témoignage. On va en profiter pour donner deux petites dates sur le même thème. Il y a une manifestation Justice pour El Hassen, Justice pour tous, qui aura lieu le samedi 21 février de Barbès au ministère de l'Intérieur. Donc El Hassen Diarra, c'est qui s'est fait le jeune qui s'est fait assassiner devant son foyer par les forces de l'ordre, comme d'habitude. Donc, à l'issue d'un contrôle d'identité, il a été amené au poste et il est mort au poste. Donc, c'est clairement un assassinat policier. Beaucoup de gens ont vu des vidéos où il se fait massacrer par les flics. Donc, manif pour la justice pour El Hassen, le samedi 21 février à 14h à Barbès. Le 14 mars aussi, donc dans un mois, un peu moins, on aura une manifestation de la Marche des Solidarités avec le réseau d'entraide Vérité et Justice, donc contre le racisme, contre les frontières et contre les violences d'État, les violences et le racisme d'État. Voilà. Pour rester dans le thème, on va écouter un morceau de musique donc, qui avait été écrit par le collectif Vivolé. Avec la sœur de Fatou qu'on a entendu qui fait l'introduction de ce morceau. Et ce morceau s'appelle 13 minutes 12 contre les violences policières. Macomé, Amine ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu ? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité.

beaucoup de camarades, des amis, des proches, et ont eu de loin ou de près de l'Iran. C'est une émotion très très forte, de la colère, de la tristesse, de chagrin. Moi, je connais pas mal de gens qui connaissent pas mal de gens qui ont été tués ces jours-ci, surtout le 8 et le 9 janvier. Et personnellement, je vis une des périodes plus intenses au niveau des émotions politiques que j'ai pu avoir. Voilà. Oui, alors donc le mouvement, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment ce mouvement a commencé et un peu sur quelle histoire il s'appuie, quels sont par exemple les liens de ce mouvement avec le mouvement Femmes Vie Liberté? Pour voir le lien du mouvement avec Femmes Vie Liberté, il faut que je revienne un peu sur les contextes de ces dernières années. Mais ce mouvement précisément a commencé fin décembre. Là, j'ai la date exacte, je pense que c'était le 27 ou le 28, 12-13 jours après le massacre très massif. Le déclenchement, c'était la hausse du prix de dollars qui a déclenché des contestations d'une partie de la petite bourgeoisie commerçante qui jusqu'alors était plutôt conservateur, mais c'est la pression économique était à tel point qu'il a touché même une grande partie de la petite bourgeoisie. Ça a été propagé. Cette étincelle, pas seulement parmi des commerçants, mais dans les endroits les plus pauvres du pays. En fait, quand on regarde les premiers jours, la cartographie des révoltes, ça correspond complètement à la cartographie de la pauvreté en Iran. Il y avait des villes assez marginalisé dans l'ouest du pays, où il y a une forte population kurde aussi, où il y avait comme Obdanan, comme Malek Shahi, etc., où il y avait des révoltes importantes. Il y avait toute la ville qui était dans la rue. Et on a vu aussi partout dans le pays plus de 210 ville dans le pays, qui est énorme, ça veut dire dans toutes les provinces du pays, des manifestations nocturnes et journalières et contre la vie chère, mais qui avaient la vie chère comme le point de départ. Et pour revenir sur le contexte dans lequel ce mouvement a surgi, on voit que depuis 2017, on a vu quatre grands soulèvements. 2017, qui était contre la vie chère. 2019, qui était contre la vie chère aussi, avec une forte répression. Et 2022, bien sûr, le mouvement Famille Liberté, et 2025-26. Et ce qui s'est passé depuis 2017, c'est que on a connu aussi, après la révolution, en fait, un autre grand mouvement en 2019 contre la fraude électorale, qui était un mouvement massif, mais encadré par les réformistes. Donc, du coup, ça n'a pas pu aller plus loin. Mais en 2017, on a un point important, c'est que on annonce dans les manifs qu'on veut en finir avec le régime. On dit, en fait, il y a un slogan qui dit « Eslah talab usul gara dige tamoum manjara ». Les réformistes, les conservateurs, votre heure est arrivée. Donc, et à ce moment-là, je rajoute que pendant toutes ces périodes-là, on a des contestations journalières et des mouvements sociaux continus de la part des retraités, des ouvriers, des travailleurs, des travailleuses. Il y a des enseignants et des enseignantes, des infirmiers, des infirmières. On a les étudiants, donc, qui en contestation continuent tous les jours. Même si officiellement on n'a pas de syndicat, officiellement on n'a pas d'association d'étudiants, etc., etc. Mais il y a une société un peu bouillonnante. Et bien sûr, le mouvement féministe qui fait un peu lien entre les différents mouvements et surtout des liens entre les marges et le centre aussi. Donc, et là, en fait, on est dans ce genre de contexte-là. Et le mouvement Femmes Liberté, c'est un mouvement qui représente les mots d'ordre, les revendications de ce corps social, en quelque sorte, et bien sûr des minorités nationales réprimées, comme les Kurdes, comme les Baloutches, etc. De l'autre côté, pendant de 2017 et surtout à partir de 2019 jusqu'à 2022, un moindre contestation sociale, on voit que on fait un raccourci, un court-circuit vers la totalité du régime. Et ça, en fait, c'est ce rejet du régime dans sa totalité devient en fait un fait généralisé. Un fait généralisé, par exemple, quand il y a des problèmes d'eau dans la région Khuzestan, dans le sud du pays, qui est la principale région pétrolière du pays. D'ailleurs, la richesse du pays vient de cette région-là, et il n'y a pas d'eau. Mais par ailleurs, il y a une population assez pauvre, il y a une minorité arabe importante, donc il y a un soulèvement après le Covid dans cette région pour le problème de l'eau potable. Et là, par exemple, ça devient rapidement une contestation contre la totalité du régime. Ou par exemple, même dans cette région même, il y a un tour qui s'effondre. Voilà. C'était peut-être un des proches du régime qui construisait ce tour, tout ça. Mais dans les contestations populaires ou dans le deuil populaire contre cet événement, on voit qu'on scande contre le régime dans sa totalité. Donc là, je pense que et on voit que la situation économique du pays va de pire en pire, et les gens sont au bout de souffle. Donc là, en fait, il y a le contexte dans lequel le soulèvement de mois décembre et janvier 2026 surgit, c'est à peu près le même contexte que, en fait, il y a une continuité dans cette volonté populaire pour renverser le régime. Et donc ça fait un peu mouvement pré-révolutionnaire. Est-ce qu'il y a un lien ou des différences notables avec, par exemple, la révolution d'il y a 45 ans? En fait, les acteurs, comme on voit le retour du chat sur la scène, les mollahs qui sont au pouvoir depuis ces événements, et la société civile qui se mobilise de manière récurrente et en demandant un renversement du régime. Est-ce que tu vois là, par exemple, un retour d'un autre type de fascisme comme celui des monarchistes, ou est-ce que tu vois là une vraie possibilité populaire de recréer un mouvement émancipateur comme c'était un peu l'espoir en 80? Moi, je pense qu'on est quand même dans un moment indéterminé, même si il y a une avancée importante du fascisme des deux côtés. Là, quand on discutait avant, j'ai un peu rentré dans le sujet. Il y a beaucoup de différences. Là, je vais parler de l'actualité. Après, je reviens sur la révolution de 79. La première chose, c'est que là, on voit pour la première fois que des slogans en faveur de fils de chat d'Iran, les hommes par la vie, ont été scandés dans les rues d'Iran. Avant, c'était peut-être il y avait quelques slogans par-ci par-là, il y avait toujours des royalistes, il y a toujours des gens, mais ils n'étaient pas en phase de combat de rue. Moi, je vais donner un autre récit de ce qu'on donne aux médias ici, ou de ce que les royalistes eux-mêmes essayent de le dire. C'est que il y a une sorte d'agrandissement énorme des faits ou des slogans ou des scènes où on apporte soutien ou par la vie dans les médias ici, dans les médias occidental, mais aussi dans les médias personophones, avec de grands budgets financés par Israël ou d'autres puissances impérialistes, font la propagande H24 pour les hommes par la vie. Par exemple, il y a un média qui s'appelle, une télé qui s'appelle Iran International, qui, selon une étude, elle a agrandi l'image de par la vie, ça veut dire la représentation de par la vie, de 400%. Par rapport au poste, et c'est la média iranienne en dehors du pays et du régime qui a plus de budget, qui est la télé la plus grande et qui est la plus vue. Donc, En gros, ce genre de médias ont pu un peu fabriquer des sujets un peu atomisés auxquels on montre comme la dernière voie de secours par la vie, par l'intermédiaire de l'intervention étrangère. Mais quand cette étude montre aussi que dans les vidéos et tout ça, il y a 15 à 17% des slogans qui avaient un rapport à ce genre de pensée. Donc. Mais selon beaucoup de camarades, auxquels on a confiance, oui, il y a cette présence, voilà, en fait, ce devenir fasciste possible. Mais moi, je pense que c'est une lutte à la monnaie avec les fascistes au pouvoir, les fascistes en voie de prise de pouvoir. Bon, ça c'est avec beaucoup de guillemets parce que et aussi les puissances impérialistes. Et, mais il ne faut pas oublier qu'il faut se débarrasser vite de ce régime pour pouvoir combattre. Voilà, c'est en fait, moi je pense que ce qui est en fait la lutte entre ingérence étrangère et le fascisme soutenu par en fait ces puissances impérialistes est inséparable de la lutte contre le régime dictatorial, capitaliste, misogyne et raciste de la République islamique. Et de l'autre côté aussi, on ne peut pas être anti-impérialiste et soutenir ce régime. Et donc, voilà, ça je ne sais pas, peut-être j'ai beaucoup dévié, mais je ne suis pas... parti en arrière pour parler de la révolution de 79, mais je peux en parler oui. plus tard. Mais en fait, oui, on voit bien qu'il y a des données qu'on n'a pas eues ici, oui. qu'on a eues de manière très très déformée. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. On va se retrouver après de la musique. Là, on me fait signe en régie. J'en profite pour vous présenter notre équipe technique. Benoît et Véronica, muchas gracias. Et on écoute quelque chose, une surprise des chefs. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Si yo te quiero libre, Palestina. Atene, Atene, Atene, Michael. راضع صار الوضع بده الردع لكل اكيد بتحرر مستوطن بتلمس لكن مصاب حكيت الف كان الف راح بنهدر العنان سلاح مطيب فبركون اما لما المي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Salut, vous êtes toujours sur FPP 106.3, c'est l'émission La Jungle des Luttes, l'émission du collectif de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, mais aussi les peuples de partout dans le monde. Et là, aujourd'hui, on est avec Rafir, qui est du collectif Roja, collectif iranien, afghan, kurde de France, fondé à Paris au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et donc, on parlait de cette situation chaotique, de manifestations énormes avec une répression terrible qui a suivi, des liens un peu avec les différents mouvements qui avaient précédé et de la double pression que subit le peuple iranien aujourd'hui entre, d'un côté, le régime de la République islamique, de l'autre côté, un soi-disant retour donc des royalistes avec la famille Pahlavi et le fils du chat. Et voilà, donc avec une difficile analyse de ce qui est en train de se passer. Donc un peu, c'est pas forcément évident de voir où ça va et où on en est. Oui, où ça va, on ne sait pas où on en est. je voulais juste revenir par rapport à l'image qu'on a ici et les informations que on n'a pas peut-être ici, qu'on ne voit pas dans les médias. C'est ce que je voulais remarquer, c'est que c'est une période pleine d'émotions. Ça veut dire qu'on voit tous les jours des images, des deuils qui sont différents d'autres deuils. Il y a des deuils dans lesquels les familles dansent. Il y a des deuils, il y a une telle énergie, bien sûr triste, mais qui est différente d'autres deuils qu'on a vus. Oui, bien sûr, on a vu des cadavres, des milliers de cadavres, des centaines de cadavres entassés. On parle de presque 7000 morts identifiés c'est du jamais vu dans l'histoire du pays, c'est cet événement. Et donc ça, je pense que ça, moi quand je parle avec des proches en Iran, des amis, des camarades, j'avais jamais constaté autant d'intensité dans chaque mot, dans chaque phrase qui vient de là-bas. Donc même dans les événements politiques auparavant qui étaient très très encourageants, très révoltants, etc. Mais là c'est un moment particulier dans l'histoire du pays. Et ce qu'on n'entend pas ici, c'est aussi, par exemple, les voix d'autres opposants, des étudiants. Il y a 3-4 jours, il y a des étudiants de 4 grandes universités de Téhéran ont publié des communiqués contre le régime et contre Pahlavi, ni Shah ni Mollah. On a des communiqués, par exemple, d'un groupe des féministes de Baloutchistan d'Iran, une minorité nationale très, très marginalisée, sur la même ligne. Des ouvriers du transport de Téhéran qui ont mené une lutte exemplaire pendant ces 15 dernières années, de l'association des écrivains iraniens qui sont tous sur la même ligne. Ça veut dire ni Shah ni Mollah. Du coup, et c'est voix de l'intérieur. Voilà, apparemment, on doit partir. Non, on a encore 10 minutes. Et pour, si on compare un peu les événements de mois de. En fait, d'il y a un mois avec la révolution 79, c'est qu'on ne peut pas appeler dans ce stade. Cet événement, à mon avis, c'est un stade avancé de révolution. Ça veut dire que là, on n'a pas des infrastructures pour renverser le régime. Ça veut dire à l'époque de en 79, 3 mois, 4 mois avant la chute du régime, il y avait des usines autogérées, des facs autogérées, des administrations autogérées, des conseils populaires partout. On avait quand même un bon nombre de groupes politiques progressistes qui étaient très actifs. Donc là, je pense que socialement et là, on peut voir la différence à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on peut après, on peut dire que ce qui viendra ressemblera pas de ce qui était avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours un pouvoir collectif qui se constitue pour renverser un régime sur place. Voilà, et donc là on commence à y voir plus clair. En tout cas, c'est très très important d'avoir ces informations non déformées. Et donc tu as parlé de la société iranienne un petit peu avec donc ces syndicats de chauffeurs de transport, ouais, qui faisaient quelque chose, ces minorités dont on entend évidemment ici pas du tout parler ou très très peu, les minorités aussi de groupes politiques qui essaieraient de s'organiser. Et donc là tu penses qu'on n'est pas encore dans une phase de fédération de toutes, oui, ces forces-là, mais que ces mouvements successifs leur rendent un peu leur dignité et leur force. Oui, moi je pense qu'on n'est pas dans une phase d'un. En fait, je rejette pas que ça va se former, mais ce qu'on voit aujourd'hui avec Pahlavi, avec des milliers de personnes rassemblées à Munich ou d'autre part en marge du sommet de la sécurité internationale avant-hier. Moi, je pense que avec ce type, en fait, le projet qu'il représente, c'est pas un projet révolutionnaire, c'est un projet plutôt de coup d'État ou de parce que soyons clairs, par l'avis attendu 12 jours pour donner un appel pour que les gens descendent dans la rue, dans les événements, dans la révolte du mois de janvier. Et pendant ces 12 jours, les gens étaient dans la rue. Ouais. Et 12 jours après, juste après le massacre, il a appelé à l'aide à Trump. Ça veut dire que le projet était là. Oui, et les États-Unis nous ont habitués au coup d'État. Et quand on regarde l'équipe, voilà, le centre, qui, en fait, l'équipe de Paralavi, on voit que les gens qui n'étaient pas royalistes au départ, mais ils avaient toujours pour but d'appeler à l'aide à l'étranger, ce qu'ils ont fait au moment de l'invasion de l'Irak en 2003. Donc bon, on voit bien de toute façon le genre des les capitalistes ont beaucoup plus intérêt à ce que débarque un système impérialiste, quitte à ce qu'il soit vassalisé par Trump ou Israël. Mais bon, voilà, le peuple, lui, n'est pas dupe et on espère que la lutte va pouvoir continuer et dans des conditions qui relèvent un peu la dignité du peuple iranien. En tout cas, les messages de soutien du monde entier ont commencé à arriver. Donc, il y a eu une déclaration des zapatistes en soutien au peuple iranien. Et qu'est-ce que tu penses donc du soutien international, de ce qu'on peut faire peut-être ici? Et qu'est-ce qu'on peut soutenir maintenant pour faire des choses concrètes pour le peuple? Moi, j'en profite pour faire une annonce aussi. Si. Ah, vas-y, avec plaisir. demain soir, on fait un rassemblement pour le 40e jour des morts, des tués du 8 et du 9 janvier en Iran, à la place de la République, pour commémorer leur lutte et leur... Donc demain soir, à partir de... À partir de 18h. 18h, place de la République. Oui. Ouais. Et on n'arrête pas de répéter ça à chaque micro, à chaque fois qu'on a l'occasion, mais je pense que parmi... un peu des forces gauche décoloniales ou anti-impérialistes dans le monde entier, il y a toujours l'illusion que le régime iranien est un régime anti-impérialiste qui se contente de le défendre parce que qu'il conteste Israël, les Américains, etc. Alors que je pense que pour avoir une Palestine libre, une région libre, il faut se débarrasser à la fois de la République islamique, des impérialistes comme des politiques impérialistes d'Israël, des États-Unis, tout entier. Et donc après je peux rentrer dans le détail, faire des analyses pourquoi pour moi ils servent au dernier ressort les intérêts impérialistes, mais c'est pas mon but ici. Ça c'est ce qui nous a pas mal ça nous a fait mal au corps parfois de voir des potentiels camarades qui nous soutiennent pas ou qui sont timides pour soutenir les mouvements populaires en Iran parce que il y a d'autres enjeux géopolitiques. Oui, donc merci beaucoup pour cette précision, parce que c'est vrai que le fait de rappeler régulièrement que c'est un régime plus qu'autoritaire et par ailleurs très capitaliste, c'est aussi important de rappeler que c'est la population iranienne, le peuple, nos camarades là-bas souffrent qu'ils ont besoin de notre soutien de rappeler vraiment en particulier que la Palestine ne sera jamais libre tant qu'on n'aura pas libéré les peuples qui sont autour de l'impérialisme du capitalisme. C'est un rappel super nécessaire. En tout cas, merci énormément, merci pour ton témoignage. Si tu as quelque chose à rajouter, allons-y. Par ailleurs, nous, en fait, la ligne qu'on a défendue, c'était toujours être derrière le peuple palestinien pendant toutes ces années. On a soutenu, on a dit qu'on combat à la fois Netanyahou et Khamenei en même temps. Et je vais juste rajouter une précision par ce que je dis. J'ai dit qu'il y a deux projets politiques en Iran par rapport à l'espace politique. Un projet politique représenté par Femmes et Liberté, projet pluriel, égalitaire et libertaire. Et l'autre projet qui est représenté dans les médias ces jours-ci, c'est plutôt un coup d'État ou un régime change et fascisant. Voilà. On essaie de comprendre le régime et en fait l'opposition fasciste en même temps. Ok, merci beaucoup. Et donc demain, 18h à République, en hommage à toutes les victimes de la répression du mouvement social iranien. Merci Rafir. On écoute une petite musique et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Salut, vous êtes toujours sur FPP 106.3, c'est la jungle des luttes, l'émission du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Voilà, donc on a écouté le témoignage de Rafir, un camarade qui est du collectif Roja, j'allais le dire à l'espagnol, Roja, la rouge, et voilà, d'Iraniens, Afghans et Kurdes à Paris. Merci encore, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant d'avoir toutes ces informations qui nous sont mal transmises ou pas transmises. Voilà, maintenant, on va être en ligne avec un camarade, le camarade Rav, qui est en lutte contre la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax. Alors, ça fait un gros changement de sujet, mais voilà, on est ici pour faire le lien entre toutes les luttes, pour informer au maximum, voilà, du Chiapas à Téhéran jusqu'à Bordeaux, Toulouse et Paris. On essaye d'informer sur tout ce qu'on a à dire, à faire pour soutenir les camarades en lutte partout. Rav, est-ce que tu nous entends ? Oui, carrément. Ah bah, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci pour vouloir bien vouloir témoigner pour nous. Voilà, donc t'as commencé la lutte sur cette ligne à grande vitesse, sur laquelle, évidemment, je vais dire un peu pareil qu'avec le camarade Rafir, on est très peu informé là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner des informations plus détaillées ? Carrément. Ouais, moi, ça fait à peu près un an et demi que je me suis mobilisé sur cette lutte-là. Et du coup, de par l'occupation d'une terre qui va servir au projet, qui est impactée au projet, au nord de Toulouse. Et oui, en effet, je rejoins ton commentaire sur le fait que, ouais, je pense qu'on est très peu informé sur cette lutte-là. Et du coup, je trouvais ça cool de pouvoir en parler avec vous ce soir. Ah bah merci beaucoup. Alors allons-y. Donc cette ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax. Déjà géographiquement, par où elle passe, qu'est-ce qu'elle fait gagner, quels intérêts économiques y a-t-il derrière? Bah ouais, carrément. Cette ligne à grande vitesse là, c'est vraiment un méga méga projet. Je pense que c'est un des plus gros projets autoroutier, routier qui existe en France. Je pense qu'il est à peu près comparable avec le deuxième tunnel Lyon-Turin là, qui est aussi une lutte très ancienne. Le notable. Et donc ça représente 4800 hectares de terre, donc entre Toulouse, Bordeaux et Dax. Et notamment, ça va passer par 3000 hectares de forêt. Donc il y a 3000 hectares de forêt qui doivent être coupés pour ce projet-là, et notamment la vallée du Siron qui est au sud de Bordeaux, à 45 minutes à peu près au sud de Bordeaux, qui est une forêt apparemment d'enjeu de biodiversité plutôt fort, avec un microclimat assez localisé, assez particulier, et du coup qui est un peu mis en avant par des personnes qui soutiennent la lutte du côté des scientifiques et des juristes. Et donc au-delà de ces 3000 hectares de forêt, il y a bien sûr des agriculteurs, des agricultrices qui se font exproprier et des particuliers. Et donc ce projet-là, il est fait dans la logique de la mise en concurrence des grandes villes en France. Et donc pour renforcer Toulouse, notamment après que Bordeaux ait été relié à Paris par le TGV. Et donc nous, ce qu'on craint, c'est les mêmes problèmes qu'à Bordeaux, qui sont arrivés après l'instauration de la ligne à grande vitesse, c'est-à-dire la, la gentrification de la ville à l'endroit où la gare TGV se pose. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'il est pensé, le projet en tout cas. Oui, donc on a vu ça dans pas mal de villes, déjà des gares TGV en plein milieu de la campagne qui représentent des dizaines d'hectares de bétonisation, des centres commerciaux qui poussent à côté comme des verrues. Et donc j'imagine qu'il y a déjà des tas de projets comme ça. On sent la bétonisation et arriver à grands pas. J'imagine qu'il y a des pseudo-justifications économiques à faire cette ligne grande vitesse et que vous vous employez à les démonter. Bien sûr. Il y a notamment, bien sûr, le gros argument du « les personnes arrêteront de prendre l'avion de Toulouse à Paris ». Mais bon, moi, je me demande personnellement qui prend l'avion de Toulouse à Paris. Ah, j'ai jamais fait, moi. À part des cadres supérieurs, quoi, qui font des trajets insensés toutes les semaines. Et donc ça, c'est un des gros arguments, mais du coup qui vient convaincre des personnes que ça ne concerne même pas. Du coup, ça, c'est quand même assez dommageable, quoi. Mais oui, il y a plein d'arguments comme ça qu'on essaie de démonter. Et aussi, nous, de notre côté, essayer d'avoir un argumentaire auprès des personnes qui vont être impactées pour leur montrer que vraiment il y a très très peu d'intérêt à cette ligne, quoi. Ça représente simplement de la modernisation du pays comme l'État la pense, quoi. Mais il y a très peu d'intérêt pour les riverains et les riveraines, finalement, qui vont être impactés et qui vont même payer une taxe. Si le projet se fait, sont censés payer une taxe toutes les personnes qui habitent dans un périmètre de 50 km aux alentours du tracé, mais qui ne profiteront même pas de cette LGV et qui seront même desservies parce que cette LGV, les trains qui vont passer, il y a moins d'argent public qui va être mis pour les petits trajets. Et donc voilà, il y a très peu d'intérêt pour les Français à avoir cette LGV, quoi. Oui, j'imagine quelqu'un qui habite dans un village qui va être à moitié rasé, où les terres vont être occupées par la LGV, ils ne vont pas se retrouver avec une gare qui leur permet d'aller travailler à Toulouse. Et au contraire, ils vont perdre leur petit TER et leur petite ligne qui leur permettait d'aller travailler dans la moyenne ville, peut-être, qui n'était pas loin. J'imagine aussi que le temps, entre guillemets, gagné dans un trajet Toulouse-Dax, il n'est pas déterminant du tout, et que là, en fait, on parle surtout d'un Toulouse-Paris, en fait. Toulouse-Dax, c'est une probablement justification locale, et qu'en fait, c'est un Toulouse-Paris qui les intéresse. Peut-être. Tout à fait. Et tout à fait. Et puis, à la base, même le projet était censé relier jusqu'à Bilbao. Et donc ça, c'était un argument pour faire en sorte qu'il y ait des financements européens, qui d'ailleurs maintenant sont coupés, puisque les Basques ont depuis un moment déjà montré leur opposition très fermement. Et du coup, cet allongement jusqu'à Bilbao a été pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils y ont renoncé, quoi. Oui, et donc la lutte prend quelle forme en ce moment, par exemple ? Eh bien, la lutte, elle a pris forme pour l'instant avec une seule occupation, donc au nord de Toulouse. En fait, là, pour l'instant, les travaux, ils sont concentrés au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, et donc ils essayent de faire se rejoindre comme ça petit à petit. Et donc, elle a pris forme par une occupation d'août 2024 jusqu'à l'été 2025. Et il y a eu de nombreuses expulsions. Le mouvement ZAD est de plus en plus vraiment dans le collimateur de l'État, et de toute façon, on le voit à leur discours, ils s'en cachent pas trop que c'est une de leurs priorités de faire en sorte que ce mouvement ZAD ne se perpétue pas et qu'on prenne pas trop nos aises, entre guillemets, quoi, et qu'on, enfin, en tout cas, ils nous montrent par la présence policière et par les expulsions qu'ils ont vraiment pas intérêt à ce qu'on soit là, quoi. Et sinon, il y a toute une lutte qui date de plusieurs dizaines d'années. Nous, on a rencontré un couple d'agriculteurs et agricultrices qui va se faire exproprier et qui lutte depuis 15 ans déjà contre, cette LGV qui ont monté la première association. Donc il y a des luttes plutôt locales et il y a aussi une coordination avec LGV Non Merci qui essaye de mettre en lien tous les petits collectifs tout au long du tracé. Et donc il y a beaucoup de recours en justice, d'essayer de démonter les argumentaires de l'État et puis aussi de la sensibilisation. Il y a eu quelques événements qui ont été organisés pour sensibiliser sur ce projet de LGV et voilà des recours et moi personnellement j'ai pris part simplement à l'occupation qui a eu lieu à Saint-Jory au nord de Toulouse quoi. Ok, et j'imagine que les compasses de Toulouse et des environs sont bien occupés, donc avec en plus l'autoroute A69 qui est en construction, cette ligne à grande vitesse, et que donc il y a sûrement besoin un peu de soutien extérieur. Est-ce que tu as un message à faire passer, des contacts à donner, site ou autre? On peut dire d'aller regarder sur. Nous, comment on s'organise, on est devenu finalement un petit groupe affinitaire au final, au fur et à mesure de notre vie sur l'occupation. Et du coup, on a un compte Instagram où on raconte un peu ce qui s'est passé dans la lutte. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'autres canaux que ça. Et sinon, on écrit, on a créé un petit fanzine où on a parlé de tout ce qui s'était passé. Et on sort aussi un album tout bientôt. Et il y a un événement aussi qui va arriver courant mai, qui va un peu célébrer le mouvement ZAD. Et ce sera dans la région du coup de Toulouse. Et du coup, j'invite à venir nous rencontrer sur des événements comme ça et se tenir au courant aussi s'il y a des événements comme ça qui pop, de venir nous rencontrer. Ouais. Ah bah ouais, bah avec plaisir en tout cas. Merci pour le message que tu fais passer. Et voilà, on continuera évidemment à lutter contre tous ces méga projets qui sont une destruction de la nature, des gens, des liens qu'ils comptent tisser. Et que bah voilà, nous, on compte justement recréer tous ces liens. Et en tout cas, bah merci et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. On va essayer de continuer à se renseigner et à informer là-dessus. Et voilà, on était aussi avec Rafir, qui était du collectif Roja, pour le collectif des Iraniens, Afghans et Kurdes à Paris. Voilà, on est sur des mouvements très différents, mais voilà, on va lutter contre le capitalisme qui essaye qui continue à abattre les peuples, à exploiter, et avec son meilleur allié, au moment où le capitalisme est remis en cause, son meilleur allié, le fascisme, hein, qui va être capable de tuer des milliers de personnes pour rester au pouvoir. En tout cas, bravo pour vos luttes. Merci de témoigner pour elles. Et donc, pour les rendez-vous, donc demain, pour le collectif Roja, il y a un appel à République, Place de la République à Paris à 18h pour la mémoire et commémorer la mémoire des camarades du peuple iranien tombés sous les balles du fascisme. Pour la LGV Bordeaux, Dax, Toulouse, donc un rendez-vous en mai avec les autres ZAD pour rencontrer les camarades et voir un petit peu ce qu'on peut faire pour aider. Carrément. Et comme ça, voilà, en se rencontrant, en se parlant, on verra mieux peut-être comment informer mieux les gens qui nous entourent, essayer de soutenir toutes ces luttes. Voilà, donc merci Rav, merci Rafir. On va peut-être écouter un petit dernier morceau et après j'aurai un petit message à vous faire passer de la part de Fréquence Paris Pluriel qui est sur 106.3 FM. Et merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à la technique. On se retrouve dans quelques petites minutes pour un dernier petit message. C'est pas celle qui fait baver. Demande ta femme, la vie claque comme on se mêle sur les pavés. répit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et ben tout équilibre fout le camp, la rage. Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage. Mais de crise aille s'entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aucun du globe. La rage du feu, l'ébullition, la rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution. La on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener. Salut, c'est toujours la jungle des luttes, l'émission du collectif de comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, donc, on a eu le plaisir de recevoir Rafir et d'être en contact avec Rav pour parler donc, du mouvement du peuple iranien et du mouvement contre la LGV Bordeaux-Toulouse-Dax. Voilà, pour finir aujourd'hui, il reste une minute, une bonne minute là, pour vous parler que donc, nous sommes en train d'écouter FPP, la fréquence Paris Pluriel sur 106.3, et que FPP a une année 2026 qui commence assez mal, financièrement évidemment, un problème de finance, une subvention qui n'est pas tombée, etc. Tout cela va être probablement bien expliqué. Et en tout cas, il y a déjà un petit lancement de campagne de fonds pour aider FPP et pour lui permettre de préserver son indépendance, pour aussi même tout simplement continuer à émettre. Donc on a besoin de sous et les sous, il faut pour les envoyer, aller voir. Donc il y a un petit texte pour expliquer tout ça, un petit visuel et un lien pour pouvoir verser de l'argent. Tout ça, vous pourrez le trouver sur notre site. Donc notre site du CSPCL, on mettra tout ça en lien. Et sur notre site, bah, on vous mettra aussi, il y aura un lien vers la déclaration des collectifs du réseau Europa Zapatista, qui est le réseau de solidarité avec l'armée de libération zapatiste. Voilà, le communiqué s'appelle « Déclaration pour la vie et la dignité du peuple iranien ». Donc c'est un texte qui se conclut par « Nous tendons la main au peuple iranien, non pas pour le materner, non pas pour parler en son nom, mais pour lui dire « Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul », avec féminin et masculin, « parce que la lutte en Iran est aussi la lutte pour la vie partout ailleurs et parce que ce n'est qu'en partageant d'en bas ensemble que nous pourrons affronter la tempête et imaginer le jour après ». Voilà, donc dans une perspective révolutionnaire, les compañeros de les ZLN nous ont écrit un texte de soutien au peuple iranien. Voilà, donc vous pouvez lire aussi sur notre site le lien pour le crowdfunding de FPP, Fréquence Paris Pluriel, parce qu'il y a besoin d'oseille, parce que c'est la condition de notre indépendance. En tout cas, merci à toutes, merci à tous, chères auditrices, chers auditeurs. C'était exceptionnellement Pascal pour le CSPCL avec à la technique Benoît et Véronica. Et voilà, on laisse la place à la prochaine émission qui est en train de se mettre en place. Et en attendant, on va écouter une mini-musique, le temps de faire le changement de plateau. Et en tout cas, merci à toutes et à tous et au mois prochain. Salut, salut. Patria grita y necesita de todo.